Molt benvinguts i benvingudes. Iniciem una nova temporada d'aquest espai d'Hola la Música, el programa de música en francès que us porta des de ja fa diversos anys Rafael Corbí. Com sempre, un plaer sentir-vos, acompanyar-vos, gaudir de la música d'una manera conjunta, amb precioses cançons que anirem escoltant i també descobrirem artistes del passat i del present de la música en francès. Aquest en total és el nostre programa 165, que iniciem en Calogero i aquesta cançó que ja l'havíem escoltat, però que ens parla de la música i disfrutem com ells. Amb la música, el 2017, i aquest gran intèrpret. Benvinguts i benvingudes. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare. Anem a recordar unes quantes cançons a continuació amb gent fabulosa del món de la música que avui tenim el plaer de recordar, com Charles Aznavour, com Corda Pirata, com Dani Brillant, Joe Dassin o Daniel Balavoine. Ells ens acompanyaran en diverses de les cançons. Home, aquesta és conegudíssima, veritat, la que escoltem a continuació amb Charles Aznavour, aquesta cançó que ens parla de Venice, de Venècia. C'est triste Venise,

Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. Doncs així hem anat escoltant diverses cançons que us havíem presentat al començament del nostre espai i així continuem a través d'un àlbum del 2009, un doble àlbum que va publicar un artista excepcional que avui recordarem amb els singles publicats d'aquell disc del començament de la seva carrera artística, que havia començat un parell d'anys abans, tot i que ja havia publicat àlbums el 2001 amb el Rose Kennedy o el Negatif el 2003. És Benjamin Violet, que va néixer el 20 de gener del 1973 i que és prou conegut, germà de la cantant Colleen Clement, exmarit de Kiana Mastroianni, la filla de Catherine Deneuve i Marcello Mastroianni. Però bé, aquí estem per la seva música. Amb un estil molt semblant a d'altres artistes que ja hem escoltat, un excel·lent compositor, també ens diuen que ara mateix ens portarà aquestes tres peces que escoltarem del seu àlbum La Superb, publicat el 2009 i amb edició de luxe el 2010. L'escoltem, doncs, amb Benjamin. Partie de jambes en l'air, le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque de Russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage, d'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, on flaire la flamme singulière. On gagne, on perd. D'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, et la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flâne. On flaire la flamme singulière. On gagne, on perd la gagne. Dieu merci et la merci d'un imbutal, du plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci et la merci d'un lampadaire, d'une douleur endormie, d'un chasse-spleen un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire. On flaire la flamme familière. On gagne, on perd la gagne, la superbe. la merci d'une étincelle, quelque part à Paris, au fin fond du bar d'un hôtel. Dès la prochaine vie, j'aurai de se rester fidèle. Quelle aventure. Quelle aventure. Thank you.

j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Així hem acabat el nostre programa des del 1995 en dues cançons, una de Jean Ferrat amb aquesta cançó parlant de Pablo Neruda i també amb l'Ego Tenerven i aquest Le Mambo du De Calco. Veixes en directe com aquesta darrera que ens aporten fins al final del nostre espai. Serà fins ben aviat. Gràcies per haver-nos acompanyat. A reveure. Il n'est pas à ce qu'on dit de doctor qui guérit la mambo maladie du décalcomanie. Laissez tremper dans l'eau et comptez jusqu'à 3. Sur un support bien lisse, ça devient un réflexe. On maintient de l'index et du pouce en coulisse. Et un lady croquette à l'avant du frigo. Et une tête d'Indien sur la tranche du vélo. Chaud le vent, chaud, chaud, c'est le mambo. Sujet doit sécher si l'on veut qu'il soit beau. Et une panthère noire sur la lunette arrière. Et un cheval au galop sur la joue du scooter. Chaud devant, chaud, chaud, c'est le mambo, mambo, mambo. Tous les dingos, les oraux, les bambis, les Mickey, les Pluto. Mambo, les rotopos, les pin-up en maillot. Et les mambo. Boom!